Nous avons ici une autre boîte de pétri qui contient des restes de matière organique, de jus de légumes. On n'est pas exactement sûr de ce que c'est, mais en tout cas, on peut y voir différents types de moisissures.